on va aborder donc, le top flop de la décennie. Oui. Individuel, c'est ça? Moi, surtout le top de la décennie, parce que c'était top flop pour 2019, moi, du coup. Donc, J'avais complètement passé ça. Pourtant, c'est le truc que t'avais mis en premier. Notre programme est mis en premier, moi. Ah ouais, j'ai. Fou! Ah la vache! Donc, la décennie. Je me disais, bon, on va aller se coucher maintenant. Non. Oh là là, comment t'es motivé là? Ah bravo! On termine 2019 là! Allez! Tu veux que je commence Nelson ou Gaudi ou pas? Vas-y. Moi j'ai pas fait, je l'ai pas fait. Bah toi t'es toujours le mauvais élève toi. Mais... Alors. Moi j'ai vu toute la lumière avec ces caméras. Alors non mais clairement en 2010. Ça... Attention 2010, devinez 2010 c'était. Je vais te dire si c'est pareil que moi ou pas. Vas-y. Allez moi 2010 pour moi c'était Illusionniste. Non. Ah c'était celui de Nolan. Non, tu confonds avec Inception. Non, je confonds avec un autre film. Tu confonds aussi qu'un film avec Edward Norton, qui n'a rien à voir. C'était le film d'animation fait partie qui fait Triplette de Belleville. Ah mais oui. Voilà donc voilà 2010 Illusionniste. Toi 2010 c'était. Bah j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a plein de trucs sympas, mais en fait du coup j'ai retenu Faites le mur. D'accord. Le film de Banksy en fait sur. J'ai pas vu. Qui est un truc assez hallucinant que j'avais été voir à l'époque en me disant tiens je vais voir un film dans Banksy, ok. Wall Street Art, c'était de loin, je trouvais ça vachement bien et tout, mais et en fait pendant tout le film c'est quand même assez hallucinant. Tu sans savoir tu es témoin de l'ascension d'un mec qui n'était pas du tout prédestiné à ce qu'il allait faire en fait. C'est un énorme fumiste. C'est Mr. Brainwash. Mr. Brainwash. Et que du coup, en fait, que maintenant est connu comme Mr. Brainwash, qui est un mec hyper connu maintenant, qui fait des trucs à collaborer avec plein d'artistes et tout, et que tu le vois au début du film, c'est le pauvre mec, ouais. le français très franchouillard qui est parti faire son rêve aux États-Unis, puis comme il n'a pas des masses de. Enfin, il a du culot, hein, parce que il est un peu branquignol, mais il a du culot et il arrive à faire des trucs assez hallucinants. Je sais jamais quelle est la part de vérité et de mensonge, quoi. Parce qu'il y a vraiment des trucs, c'était vraiment hallucinant, tu te dis, waouh, ça va trop loin. C'est, mais le mec, c'est un personnage. Alors, j'ai beaucoup de compassion pour sa femme. Tu vois le film, tu peux pas faire autrement, parce que bon, lui, d'accord, il se fait kiffer, elle fait du street art, machin, à filmer tous les trucs et tout. Et elle est avec à la maison avec les gosses. Et elle doit scoltiner lui qui finalement, bah, il est pas moyen, quoi. Donc, bon, bref. C'est. Mais lui, il se fait kiffer. Voilà. C'est le principal. Le spectateur aussi, du coup. 2011. Attends, Nelson. Attends, mais moi là. Non, mais là, on est encore pour 4 heures. Hein. Non, mais non, il faut les vivre, genre. Non, moi, allez. J'ai un ex-écho français, 100% français. Vas-y. C'est Un prophète de Jacques Audiard et Gainsbourg et Billy. Si on fait tous des ex-échos, moi j'ai un. Mais celui-là. Franchement, moi, vraiment, ceux-là, je les ai ultra kiffés et surtout le. Comment ça s'appelle Gainsbourg. Pour tout l'esthétique. Tout la vie racontée, mais en même temps, je suis un gros fan de Gainsbourg. Ouais, super film. Ouais. Alors, j'ai pas autant kiffé que toi, mais c'est vrai qu'il y a une démarche artistique assez intéressante. Il y a une super démarche artistique, je respecte bien Gainsbourg. Ouais. Complètement. Complètement. Pour une fois, c'est un biopic qui a un peu de personnalité. Bah ouais, grave. C'est-à-dire que généralement, le biopic, c'est vraiment Wikipédia style. Bah, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est tout le contraire. Rocketman est dans mon flop de 2019. Oh, comment tu me fais mal. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé des flops, c'est très bizarre, des flops perso. De quoi? Quel film? Flop perso 2019 Rocketman. Mais c'est pas le pire. Alors que moi, je l'ai mis 5, quoi. Ouais, mais c'est pas le pire. C'est pas le numéro 1 dans mon flop, quoi. Il est à la fin dans mes flops, quoi. C'est pour te dire. 2011, moi je mets, attention, histoire de sortir encore des sentiers battus, Minuit à Paris. Ah ouais, waouh. C'est vrai, il était sympa pour. C'est vrai que ça fait partie des Woody où. Dans les derniers. Il sort un peu de son. À part Bouger Film en 2013 et puis Minuit à Paris. J'ai beaucoup aimé cette année de deux jours à New York, quoi. Mais pour moi, les derniers grands, il y a Blue Jasmine et puis il y a Minuit à Paris. Puis voilà. Mmh. Puis après, tu remontes encore plus loin avec Match Point en 2005. Tu fais waouh, on va remonter le temps. Moi, j'avais Police. Non. C'est. Non. C'est. Mais non, on dirait des lycéens à qui on a filé une caméra numérique. J'ai bien aimé. Mais non. Bien, hein. On sort des antibattus totalement en ce moment, là, depuis le début de l'année. Franchement, moi, pour moi, 2011, Tintin. Tintin! Tintin! Moi je l'ai vu! Je peux comprendre! Tout seul dans une salle de cinéma, j'étais absolument tout seul, séance de minuit. Et c'était un putain de kiff. Et franchement, c'est un putain de bon film. Tintin! Numéro 1. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais j'ai pas compris. 2012. Alors 2012, c'était très très dur, mais j'ai choisi au final, encore un choix qui va déranger beaucoup de gens, Claude Atlas. Ah, carrément, toi. Parce que j'hésitais entre. J'ai hésité avec Cloud Atlas, mais finalement j'en ai mis un autre. Et c'était ça, ou Skyfall, ou Les Enfants Loups, ou Zero Dark Thirty, donc hop, Cloud Atlas pour 2012. Ouais, bah ça, j'ai failli mettre Cloud Atlas. Le film, et en fait... c'est vraiment le film. C'est un Kougloff le truc. Ah, c'est 3h30. Mais c'est ça qui est bon. Bon, ah, c'est ça qui est bon, justement. Et le truc, c'est que même si tu comprends pas tout ou quoi que ce soit, il reste quand même. T'as beaucoup de plaisir à le voir. Déjà parce que tu sens que les acteurs ont eu du plaisir à le faire aussi. Mais parce qu'ils interprètent 1000 rôles dedans. Et que tu sens que c'est un truc où vraiment c'est kiffant. Mais oui, c'est tiré par les cheveux, mais en même temps, tu t'es relié, donc tu dis ouais. C'est un Kougloff, mais ça fait plaisir. J'ai trouvé assez indigeste. Hein, je sais. Ah, t'as trouvé pas de top, on dirait. Bah alors du coup, moi en fait, au final, j'ai préféré mettre un film qui était, que j'avais vu en avant-première, mais qui est en 2011, mais qui est sorti en 2012. Mais qui est sorti directement en DTV, et ça, c'est vraiment dégueulasse. Dren. En 2012. Non. Non, c'est... Et qui était bien aussi, Dren. Super bien. De rien. Mais c'est The Divide de Xavier Jans. Et qui est vraiment un film qui aurait mérité une vraie sortie et un traitement médiatique. Enfin, je suis assez vénère qu'il soit sorti en DTV. Et puis c'est meilleur post-apo français depuis Diesel. C'est con. Terminus, non? Terminus. Non, Terminus c'était allemand. Ah merde. Bah ouais, c'était un allemand le mec. Wolfgang Walter, je sais plus quoi là. Bah, bref. Et toi Nelson, 2012? Ah, 2012 j'ai rien. 2012 j'ai pas de film franchement qui m'a fait kiffer de dingue. Sérieux. Ah ouais, j'ai pas. Donc, il y a pas le film d'Ibrick parce qu'il est sorti en 2009. De quoi? 2012 il est sorti en 2009. Coup, ouais, il y a pas 2012 en 2012. Bon. Ouais. Alors, je dis. 2013, alors 2013 si c'était dur le choix entre Gravity, Loup de Wall Street, tout ça, Rush, La Grande Belle Isabelle, Chemin. Et finalement choisi Snowpiercer, 2013. Et tout un truc, toi, t'en avais. Celui ouais. Notre... Personne ne se sent. Se, comment dire. Ne l'attendait. Si, on peut peut-être s'y attendre. Et ben, moi, j'ai mis le Loup de Wall Street. Ouais, et ben, moi aussi. J'aurais pu le mettre aussi. J'ai... Bon ouais, et d'ailleurs, en fait, quand j'ai vu le Loup de Wall Street, je me suis dit, celui-là, c'est ce film-là pour lequel DiCaprio devrait avoir l'Oscar. Ouais. C'était quoi, Denis Fresso? Bah, la même! Le Loup de Street aussi. Ah, ouais, et Snowpiercer pour moi. 2014, Gone Girl. La même. La même que lui. Moi j'ai pas ça. Pourquoi j'ai pour... moi ce sera Interstellar. Même si j'ai pas fait de top. Non, Interstellar, moi j'ai eu un petit peu de mal sur certains trucs qui m'ont fait tilter. Donc, du coup, mais ça part complètement cacahuète, mais c'est ça qui est bon. Mais le. Mais j'aime toujours la fin. Ça n'a aucun sens. Alors au départ, je voulais mettre Interstellar, mais je vais mettre un sujet que j'ai beaucoup kiffé aussi, La Vie Rêvée de Walter Mitty. Ah, c'est pas mal. Tu m'en avais parlé. Donc, je l'ai en DVD, c'est pas mal. Donc et c'est vrai, mais c'est en battle avec Interstellar. C'est 2014. Interstellar pour moi. Ouais. Oui, ça fait beau. Allez, 2015. Allez. Mad Max Fury Road. La même. Voilà, là on est trois. Ah, là c'est un. Ah, oui, quoi. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas celui que je vais retenir, parce que tout le monde va le retenir de toute façon. J'ai même vu sur Twitter, de toute façon, tout le monde a déjà mis Mad Max Fury Road. Pour 2015. Donc, moi je retiens Foxcatcher en fait. Ah oui, ok. Non, mais... c'est la fan de Catch en fait qui parle. Ah, c'est ça qui parle, ouais. Mais bon. D'ailleurs, je suis quand même très surpris qu'il n'y ait pas de. Il n'y ait pas eu un revival du post-apo derrière, quoi. Un petit catch post-apo, ça peut être sympa. après Fury Road, quoi. Alors, ça, hein. 2016, moi 2016 j'ai un ex-écho. Nelson avait un ex-écho, bah j'ai bien le droit. Mmh. 2016 ex-écho, Rogue One et The Witch. Ah. Oula, dans The Witch je le mettrais pas. C'est quand même extrêmement pénible. Ouais. Moi non, je trouve pas qu'il était. J'étais passionné du bout de bout, quoi. Pour expliquer, on l'a vu bourré. Bah bravo. Enfin, on avait un peu bu après un dîner. Hein. Non, mais t'imagines, Nelson shootait au jus de fruits en train de regarder Tintin, mais c'est bon là. Bah, on était pas bourré, mais on l'a vu dans un état d'esprit qui était pas un état d'esprit sérieux. Et puis à la fin, joyeux. Les combats de gruant comme de quand t'étais en gamin, ouais. J'ai aucun souvenir de ça. Bon. Et pour vous, 2016 du coup. Allez, Katou. Moi, pour 2016, moi j'avais The Revenant. Oui, mais alors oui, mais oui, je suis complètement d'accord avec et toi. Et j'ai mais... hésité avec, alors, j'ai hésité avec Jodorowsky's Dune parce que le documentaire est quand même vachement bien. Ouais, et Ma vie de courgette qui est quand même de non, cimetière. Ça par contre, non. Hein? Ça par contre, non. Si. J'avoue mais, que le documentaire de Dodo était super bien. Mais The Revenant, c'est vrai que c'était. The Revenant, il était quand même. Waouh! Moi je trouve qu'il y a une putain de cinématographie là-dedans. C'est vrai que c'était ouf la mise en scène, tout ça. Je trouve extrêmement surestimé. Après, je trouvais quand même qu'il était ultra gore pour moi. Ouais, et puis DiCaprio, mieux vaut lui donner son Oscar pour l'autre Wall Street parce que là il en fait un peu trop quoi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, moi je suis complètement d'accord avec Neo. Rogue One, juste pour les. Bah, ne serait-ce que. Le film n'existe que pour les 30 dernières minutes. Je veux dire, mais c'est vrai que parce que dans les nouveaux Star Wars, ils ont au moins réussi un. Voilà, mais dans les séquences, enfin le film devient d'un coup un film de guerre et il est passionnant de bout en bout. Quoi. Quand tous les vaisseaux arrivent, il fait oh putain, ça y est. Même tu sais, même dans la planète. C'est le débarquement en Normandie. Là. Ouais, ouais c'est ça. Et le personnage qui joue aussi par comment ça, Donnie Yen, j'allais dire. Le pan Jedi, mais qui sent la force, qui sent. Ouais, voilà, ce personnage-là. Puis la fin, les mecs, ils ont. Tu vois, ils ont tenu le truc là. C'est une mission suicide. Voilà, c'est une mission suicide, donc ça va jusqu'au bout. Et puis là, putain, là, la baston avec, comment il s'appelle, Pepper Dragonor, quoi. Bordel de merde, c'est incroyable. Ce film est incroyable. Vraiment, Rogue One top. Voilà. Bon, 2017. 2017. Année présidentielle. Ah, 2017, le choix était affolant, le choix 2017. Ouais, c'est vrai. Tellement de films, que ce soit Le Cas Confidentiel, Phantom Friend, Get Out, Logan. Les derniers Jedi, et finalement j'ai choisi Grave. J'étais sûr. Histoire de choisir vraiment tout cas. Il n'y a jamais rien dans sa liste, il te donne la liste et puis d'un coup en fait c'est un truc qui sort de la liste. Mais comme ça aide notre ami Gaudi. Oui, c'est sur le suspense quoi. Voilà. Ah oh, bah moi j'avais hésité entre la mise à mort du surf sacré, The Love City of Z, Get Out, même, là je vais me faire conspuer par certains, mais Kong Skull Island que je trouve... C'était sympa. Ah mais je l'ai bien kiffé, il y a des plans trop bien quoi. Il était cool. Et l'araignée géante qui arpente. Et au final, j'ai mis Au revoir là-haut de Dupontel. Ah je voulais voir. Il paraît que le bouquin est super bien. Et qu'il a une qualité... Ma maman a lu le bouquin. Pourquoi la maman qui a quand même une qualité qu'on fait pas souvent en France et qu'on est amené à faire un peu plus, j'espère, mais Oui, les choses depuis quelques années commencent à bien bouger en cinéma français. Quoi. Quand on voit le chant du loup, Revoir là-haut, Les combattants, Gravoyable, ça bouge beaucoup là, c'est bien. Ouais, les combattants, je n'avais pas trop kiffé. Ah, j'avais adoré. Le film m'a beaucoup fait penser à Ami Poulain sur la photographie. On prend beaucoup de ces teintes un peu verdâtres. Ouais, même, Mandico, Bertrand Mandico, même. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah, le cinéma français bouge là. Mmh. Bah, et ça enfin, sera peut-être temps. 2018. Attends, bonhomme, et moi alors, ce que je. Ah, bah, les enfants. Non, mais franchement, moi, moi, c'est. Après, il y a tout un tas de trucs qui est sorti, c'est clair. Mais j'ai. Quand même, j'ai. Le tiers confidentiel. J'ai failli le mettre dans C'était une grosse baffe dans la gueule. Mais quand même, je dirais Dernier Jedi. Parce qu'on revient de loin. Voilà. On va pas refaire le débat. Voilà. Je pense que Kato, au début de l'émission, va pouvoir mettre On revient de loin. Voilà. Avec la claque. T'es pas 2017 là? Si, 2017. Ouais, il ne reste plus que 2018 à parler. 2018, Dernier Jedi. Non, c'est 2017. Hein. Déjà? Ouais. En 2018, il est sorti Solo. Ah oui, que tout le monde a un peu oublié. Ouais, total. Alors là, grosse déception Solo quand même. Non, c'est potable, mais. Ça va. Non, voilà. C'est déception parce que. David Greenhoff. Arrête. Ça va. C'est Renault World, quoi. Donc, ça aurait pu être mieux, même au niveau de l'histoire, c'est un peu décevant, quoi. Ouais, mais tu te dis que Renoir s'est fait bouffer, il était tellement content d'être sur le plateau. Oh, je fais un Star Wars, trop cool. Bon, bah voilà. Tu t'es un peu laissé quoi. Donc, 2018, moi, Hérédité. Ouais, bah pour le coup, même si Midsommar est pas dans mes tops, je préfère Midsommar en fait. Mais Midsommar, il est bien, c'est juste. Mais le truc, c'est qu'il fait des très bons films, mais que j'arrive pas, tu vois, à être vraiment dedans total quoi. Mais Midsommar, au niveau de la psychologie des personnages, principaux, tu vois, je suis beaucoup plus facilement. Beaucoup plus loin qu'Hérédité, non, quand même, je trouve. Hérédité, tu sens que. C'est un peu le film, c'est la maison Blumhouse qui a fait Get Out, donc tu sens, il a une commande à faire, donc c'est, on va dire, un film, faut que tu fasses un film un peu comme L'Exorciste, etc., un truc de possession, ok. Puis le mec, il détourne le truc, il fait réaliser, il fait, ah ouais, le mec il a quand même, il a du cran, il s'est filmé tout ça. Puis après tu vois Midsommar, tu fais, ah oui bon d'accord, c'est vrai que lui il va aller très loin. Mais je préfère si quand il va par là quoi. Ouais. Mais de toute façon, même en 2018, j'ai trop de trucs fabuleux. C'est ça, quoi. Moi en 2018, tu vois, j'hésite entre Blacksman. Même le dernier Spider-Man, le Spider-Man en dessin animé. Spike Lee. Le Spider-Man New Generation en film d'animation. Moi, j'ai hésité entre La Forme de l'eau qui est mignon, mais pour le côté old school. Hein. Moi, Tonya qui est quand même assez, qui est assez fun. Non, moi je l'ai pas aimé. Cool. J'ai pas aimé. Ah ouais. Under Silver Lake. Ouais, aussi, ouais. J'ai deux ex-echo. Moi aussi, j'ai deux ex-echo. Vas-y. Alors, moi j'ai beaucoup aimé Climax. Non, Katou, non. Alors, j'ai Roma. Ouais. Et j'ai The House that Jack Built. Ah, j'ai failli mettre, qui était excellent. Donc, ouais, c'est mes ex-écoles de 2018. Ouais, moi, j'aurais mis Lars von Trier. Clairement, c'était énorme ce film. Bah, il est fou, mais il est énorme, ouais. Bah, moi, j'ai pas de préféré vraiment cette année. Pour 2018, il y avait des films que j'avais bien aimé, notamment Mission Impossible. J'avais trouvé pas mal. Ouais, mais non, mais là, tu vois, tu as montré des trucs. Mais franchement, très honnêtement, Avengers, je l'ai pas vu. Huit des chiens, j'ai pas vu. C'est pour toi, pour ton Nelson, aussi. Spider-Man, hein. mais par contre, moi, ce que j'avais beaucoup aimé en français, c'était Le Grand Bain. Le Grand Bain, j'avais vraiment beaucoup aimé le film. J'avais adoré. Ouais, mais parce que pour ceux qui avaient vu Narco, qui était le premier film qu'il avait réalisé avant. Mais il s'appelle Gilles Lelouch. Il avait réalisé Narco et déjà Lelouch, il avait une petite patte et surtout sur la sélection musicale. Narco était vachement intéressant. Ouais, mais après le problème c'est qu'il se perdait énormément dans son sujet. Ouais, mais ça c'est... En fait, il a les défauts d'un premier film. Voilà, il avait vraiment ces défauts là et on retrouve toute cette recette dans le Grand Bain. Mais là, ça marche. Ouais, ça marche vraiment quoi. Et donc du coup, le final, il est attendu le final parce qu'il passe par les codes du truc. Où là ils vont pouvoir se dépasser, etc. Tu sais qu'ils vont gagner, et pourtant, sur du Phil Collins, tu fais ouais! Mais ouais! mais franchement, la programme audio sur ce film, elle est vraiment énorme. Quoi. Voilà. Et du coup, bah. Et les acteurs, franchement, ouais. Les acteurs, à part un ou deux que j'ai exploité comme l'acteur qui est hindou, je sais pas ouais, l'Indien, quoi. Ouais, ouais. Voilà, tu t'es dit, bon, c'est pour le quota. Bon, voilà, ouais. Mais tous les autres, on a chacun nos sous. Moi, j'adore Catherine et Amalric, je suis content de les voir. Ils ont chacun leur minute de gloire. Mais grave. Surtout Amalric sur le canapé qui dit à son beau-frère toutes les quatre vérités, tu fais « Oh putain, ça va être chier !» Le mec après il se tape sur la gueule. Ouais, après ils font « Allez, on va dehors ?» Ok, on va dehors. Bah ouais. Énorme. Non mais enfin en tout cas voilà, c'était vraiment le bon truc quoi. Donc du coup, El Chatou, qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on... Enfin, c'est quoi la suite? Tu veux qu'on fasse nos top perso? This is the end. My only friend. Bon bah c'est la fin de l'année, c'est la fin de... Ouais. Bah en tout cas ouais. De cette partie du siècle. J'avoue que 2020 s'annonce un peu le... Préparer mes top et flop perso. Non. 2020 c'est Trumpy qui revient. C'est quoi? 2020 c'est quand même assez flou hein. Il y a c'est le prochain Sonic qui arrive. Ouh qu'on a vu la première on a vu la première. Et là, j'ai fait ah ils ont pris les décors du jeu vidéo, tout ça, il commence à y avoir un truc là. Ouais donc du coup je me pose un peu la question de c'était quoi l'espèce de faux buzz dégueulasse qu'ils ont créé, est-ce que c'était volontaire ou quoi? Ouais. Voilà, ils ont voulu tester les spectateurs pour voir les retours, etc. Et puis, c'est ça, il y a le prochain Bond aussi qui arrive en avril. Avec un titre très années 70. Ah ouais, No Time to Die, mais franchement. Que moi je renomme en pas le temps niaisé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est quoi ce truc québécois? Regarde, c'est quoi? No Time to Die. Ah, le titre. Pas le temps de mourir. Pas le temps de mourir, tabarnak. Mais Spectre, je l'ai trouvé sympathique. Spectre, c'est déjà un retour au bon des années 70. Spectre, mais c'était un anarme. Oh, ouais, mais Spectre, je me suis fendu la gueule. C'était le Spectre des années 70. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé, moi. C'était effroyable. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Blofeld, mec. Mais ouais, mais attends. Christopher Waltz qui était blindé comme un... qui était fringué comme un blé d'ardoir. Franchement, c'était formidable. C'était formidable. Non, mais toute ouverture dans le festival mexicain avec le carnaval des morts. Mais ouais. Excellent, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que on dirait un. Non, c'est de la bonne série B. C'est un ouais. Série B qui revient aux années 70, quoi. Ouais, c'est un putain de. Franchement, je me suis fendu la gueule. Non, mais il se fait plaisir. Il se fait plaisir, quoi, ouais. Franchement. Il y a un article dans le journal de Montréal qui dit pas le temps de mourir. Donc. Bon, c'est bon. Oui. T'as atteint de mourir. Bah au moins ça respecte bien le film. Voilà. Mais enfin en tout cas ouais, c'est vrai que là, à part ces grosses dates là. Ouais c'est ça. À part ces grosses dates là, bon bah c'est vrai que c'est un peu fou le prochain. Enfin, la décennie qui arrive là. Bah pour l'instant j'attends rien du tout. Je sais pas s'il y a des gros titres qui sortent bientôt, mais j'attends rien. Bah je sais pas, moi le bon, je me dis pourquoi pas. Ouais. Si s'il est aussi fan d'art que Spectre, pourquoi pas. Mais après. J'ai des attentes dans le jeu vidéo. C'est tout Last of Us 2 Moi j'attendais un truc mais comme les mondes de Ralph 2, de Ralph 2.0, je l'ai vu et j'ai fait oh putain. Donc, du coup c'est l'une de mes rares attentes du film de l'année 2019. Ouais. Après j'ai des gentils, j'ai pas mis dans mon flop. Mais il y avait pire. Bah attends, si tu parles du jeu vidéo vite fait, il y a Street of Rage 4 qui sort. Donc bientôt à ce qu'on se tape pas sur la gueule toi et moi. On a cassé du punk comme à l'ancienne. Bah écoute, si c'est en pixel tout ça, comme à l'ancienne, tu fais... Ah ouais, apparemment, ouais. Donc, il faudrait qu'ils mettent plus de personnages à se choisir. Au moins 6 ou 7 personnages à choisir, t'imagines. Ouais, bah déjà, on va jouer. Avec Imagine, ils ont vraiment de quoi faire, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, enfin, bon, on verra ça, quoi. Bon, et bah, Et tant que les Athéniens s'éteignirent que les Perses percèrent. Voilà. Et on vous souhaite. Je sais pas comment cette phrase. On vous souhaite une très très bonne fin d'année. À bientôt. Ouais, joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête. Allez, ciao. Bonne bourre.